La cité mystique de Dieu par Marie de Gréda, tome 3, Poussiel Gruzan, 1857. Extrait du livre 4e, La présentation au temple. Chapitre 19. L'auguste Marie et Joseph partent de Bethléem avec l'enfant Jésus et vont à Jérusalem pour l'offrir dans le temple et pour accomplir la loi. La quarantaine allait expirer pendant laquelle la femme qui avait enfanté un fils était, selon la loi, réputée impure, Lévitique 12, 4, et demeurait dans la purification de l'enfantement jusqu'à ce qu'elle se fût présentée au temple. La mère de la pureté même, voulant accomplir cette loi, et satisfaire en même temps à celle de l'Exode, 13, 12, par laquelle Dieu commandait qu'on lui consacrât tous les premiers-nés, résolut de se rendre à Jérusalem, où elle devait se présenter dans le temple avec le Fils unique du Père éternel et le sien, et se purifier comme les autres mères. Dans l'accomplissement de ces deux lois, elle n'hésita point à se soumettre, comme les autres femmes, aux prescriptions qui la concernaient. Ce n'était pas qu'elle ignorât son innocence ni sa pureté, car elle savait dès l'incarnation du Verbe qu'elle n'avait point contracté le péché originel. Elle n'ignorait pas non plus qu'elle eût conçu par l'opération du Saint-Esprit, Luc 1, 15, et enfanté sans douleur, restant toujours vierge et plus pure que le soleil. Mais pour se soumettre à la loi commune, loin d'être arrêtée par sa prudence, elle était pressée par l'ardent désir de s'humilier jusqu'à la poussière, qui vivait toujours au fond de son cœur. Elle pouvait avoir quelques doutes touchant la présentation de son très saint fils, comme il arriva pour la circoncision, parce qu'elle le connaissait pour véritable Dieu et au-dessus des lois qu'il avait lui-même établies. Mais elle fut informée en cette circonstance de la volonté du Seigneur par la lumière divine, et par les actes même de l'âme très sainte du Verbe incarné, car elle y découvrit les désirs qu'il avait de se sacrifier, en se consacrant comme une hostie vivante au Père éternel, en reconnaissance de ce qui lui formait son corps et créé son âme, pour lui être un sacrifice agréable en faveur du genre humain et pour le salut des mortels, Éphésiens 5, 2. Et quoique la très sainte humanité du Verbe produisît toujours ses actes, en se conformant à la volonté divine, non seulement comme compréhenseur, mais aussi comme voyageur et rédempteur, il n'en voulut pas moins faire, selon la loi, cette offrande à son Père dans son temple sacré, où tous l'adoraient et le glorifiaient, comme dans une maison de prière, d'expiation et de sacrifice, Deutéronome 12, 5. Notre grande dame s'entretint du voyage avec son époux, après qu'ils l'eurent conclu, et préparé ce qui était nécessaire, ils prirent congé de la dévote femme qui les avait logés. Et l'ayant laissée remplie de bénédictions célestes, dont elle recueillit abondamment les fruits, quoiqu'elle ignorât le mystère de ses divins hôtes, ils allèrent visiter la grotte de la Nativité, pour ne commencer leur chemin qu'après avoir rendu une dernière fois le culte de leur vénération à ce pauvre sanctuaire, pourtant si riche d'un bonheur qu'on ne connaissait pas encore. La divine mère remit l'enfant Jésus à Saint Joseph, pour se prosterner à terre et adorer ce lieu sacré, témoin de tant de mystères vénérables, et après qu'elle l'eut fait avec une vive émotion et avec une piété incomparable, elle dit à son époux, « Monseigneur, donnez-moi votre bénédiction, comme vous me la donnez toutes les fois que je sors de votre maison. » Afin qu'elle m'accompagne dans ce voyage, je vous supplie aussi de me permettre de le faire nu-pied, puisque je dois porter dans mes bras l'hostie qui doit être offerte au Père éternel. Cette action est mystérieuse, c'est pourquoi je souhaite de la faire, autant qu'il me sera possible, avec toutes les conditions et tout le respect qu'elle réclame. Notre auguste reine usait par des sens d'une chaussure qui lui couvrait les pieds et lui tenait lieu de bas. Elle était faite d'une certaine plante dont les pauvres se servaient, comme du chanvre ou de la mauve. Et quoiqu'elle fût issue d'une manière grossière et capable de résister à la fatigue, elle était pourtant fort propre et fort honnête. Saint Joseph lui ayant dit de se lever, car elle était encore à genoux, lui tint ce discours: « Le Fils du Père éternel que j'ai entre mes bras, vous donne sa bénédiction. Je suis bien à ce que vous alliez à pied en le portant, mais non pas sans chaussures, parce que le temps ne le permet pas. Contentez-vous de votre saint désir, qui sera agréable au Seigneur, qui vous l'a inspiré. » Saint Joseph usait quelquefois de son autorité à l'égard de l'Auguste Marie, quoique toujours avec beaucoup de respect, pour ne pas la priver de la joie qu'elle trouvait à pratiquer l'humilité et l'obéissance. Et comme le saint ne lui commandait ainsi que pour lui obéir, par mortification et par humilité, il arrivait que tous deux étaient également humbles et obéissants. Il lui refusa d'aller déchausser à Jérusalem, parce qu'il appréhendait que le froid n'altérât sa santé, et cette crainte venait de ce qu'il ne connaissait pas l'admirable structure, ni la parfaite complexion de son corps virginal, ni plusieurs autres privilèges dont l'avait doué la main du Seigneur. Notre grande reine ne répliqua plus à son époux, et se soumit à l'ordre qu'il lui donnait de ne point marcher pieds nus. Elle se mit à genoux pour recevoir l'enfant Jésus de ses mains, l'adora, et lui rendit des actions de grâce pour les biens qu'elle et tout le genre humain en avaient reçus dans cette sacrée grotte. Elle pria Sa Majesté de faire respecter ce sanctuaire, et d'en assurer la possession aux catholiques, de sorte qu'il ne cessasse jamais de l'estimer et de le vénérer. Puis elle le recommanda de nouveau au saint ange que Dieu avait commis à sa garde. Enfin elle se couvrit du voile qu'elle portait quand elle était en voyage, et ayant pris dans ses bras le trésor du ciel, elle l'appuya sur son très chaste sein, et l'enveloppa avec les plus grandes précautions pour le défendre des rigueurs de l'hiver. Ils partirent de la grotte, après avoir tous deux demandé la bénédiction à l'enfant Dieu, qui la leur donna ostensiblement. Saint Joseph accommoda sur l'âne la layette contenant les langes du divin enfant, et la part des présents des mages qu'ils avaient réservés pour offrir au temple. Ensuite se déroula de Bethléem à Jérusalem la procession la plus solennelle qui eût jamais eu lieu dans le temple, car les 10 000 anges qui avaient assisté à ces mystères, et les autres qui étaient descendus du ciel avec le très saint et très doux nom de Jésus, partirent de la sacrée grotte en compagnie du prince des éternités Jésus, de la reine, sa mère, et de Saint Joseph, son époux. Tous ces courtisans du ciel allaient sous une forme humaine et visible, ils étaient si beaux et si resplendissants, qu'en comparaison de leur charme divin, tout ce qu'il y a de plus précieux et de plus délectable dans le monde aurait paru moins que de la boue et des scories comparées avec l'or le plus fin. Ils obscurcissaient le soleil dans son plus grand éclat, et éclairaient du jour le plus brillant les nuits les plus sombres. Notre divine reine et son époux Joseph jouissaient de leur vue. Tous ces esprits bienheureux célébraient le mystère par de nouveaux et d'admirables cantiques, qu'ils faisaient à la louange de l'enfant Dieu qui allait se présenter au temple. Et c'est ainsi qu'ils firent les 2 lieues qu'il y a de Bethléem à Jérusalem. Le temps était très rude, ce qui ne fut point sans une disposition particulière de Dieu, on ne voyait que frimas et que glace, qui, n'épargnant pas leur propre créateur humanisé dans la faiblesse de l'enfance, le faisait beaucoup souffrir, de sorte que, tremblant de froid comme homme véritable, il pleurait entre les bras de sa tendre mère, dont l'âme était plus pénétrée de compassion et d'amour que son corps ne l'était des plus vives rigueurs de la saison. Notre puissante reine s'adressa aux vents et aux éléments, et, comme maîtresse de l'univers, elle les reprit avec une sainte indignation de ce qu'ils s'attaquaient à celui qui les avait créés, et leur commanda avec empire de modérer leur rigueur, non envers elle, mais envers l'enfant Dieu. Ils obéirent à l'ordre de leur légitime maîtresse, et l'air glacial se changea en un très doux et très agréable zéphyr pour l'enfant, sans pourtant s'adoucir pour la mère. Ainsi elle ressentait les incommodités de la saison sans que son très saint fils y fût exposé, comme je l'ai dit ailleurs et comme je le dirai dans la suite. Elle s'anima aussi contre le péché, dont elle avait été préservée, et lui dit, ô cruelle source de toutes sortes de désordres, tu es en tout inhumain, puisqu'il faut que, pour ton remède, le Créateur de l'univers soit maltraité des créatures qui en ont reçu l'être, qu'il leur conserve par sa puissance et par sa bonté infinie. Tu es un horrible monstre, toujours rebelle à Dieu, tu es le destructeur des créatures, tu les rends abominables et les prives de l'amitié de Dieu, qui est la plus grande des félicités. Ô enfant des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti et aimerez-vous la vanité et le mensonge? Cessez d'être si ingrats envers le Très-Haut et si cruels envers vous-même. Ouvrez les yeux et regardez le danger qui vous menace. Ne méprisez point les menaces de votre Père Céleste, et n'oubliez pas les instructions de votre Mère, Proverbe 1, 8, qui vous a conçu par la charité, car le Fils unique du Père éternel, en prenant chair humaine dans mon sein, m'a faite mère de toute la nature, et en cette qualité je vous aime, et si le Seigneur permettait que je pusse souffrir toutes les peines qui ont été endurées depuis Adam jusqu'à présent, je les accepterai et les subirai avec complaisance pour votre salut. Pendant que notre divine dame continuait sa route avec l'enfant Dieu, le souverain prêtre Siméon, qui se trouvait à Jérusalem, apprit dans une révélation que le Verbe incarné y venait, porté dans les bras de sa mère, pour se présenter au temple. La sainte veuve eut la même révélation, et sut comme le pontife que Joseph accompagnait sa très pure épouse, et qu'ils étaient réduits à une extrême pauvreté, et, s'étant communiqué ce qu'ils venaient d'apprendre, ils convinrent d'appeler l'économe du temple, qui prenait soin du temporel, et, après lui avoir donné les indications nécessaires pour reconnaître les saints voyageurs, ils lui ordonnèrent de sortir par la porte du chemin qui va à Bethléem, d'aller à leur rencontre et de les accueillir dans sa maison avec toute la bienveillance et la charité possible. L'économe exécuta ponctuellement les ordres qu'il avait reçus, ce qui procura une grande consolation à notre auguste reine et à son saint époux, parce qu'ils étaient en peine de trouver une hôtellerie décente pour le divin enfant. Cet hôte fortuné les laissa dans sa maison et s'empressa d'aller rendre compte de sa commission au grand prêtre. La Sainte Vierge et Joseph arrêtèrent le même soir ce qu'ils avaient à faire, et la très prudente dame l'avertit d'aller porter incontinent les dons des rois au temple afin de les offrir sans bruit, ainsi que les aumônes et les offrandes doivent être faites. Elle le pria d'acheter en retournant les tourterelles qu'il devait offrir publiquement le lendemain avec l'enfant Jésus, Luc 2, 24. Tout cela fut exécuté par Saint Joseph selon les souhaits de notre princesse. De sorte qu'étranger et peu connu, il put donner la myrrhe, l'encens et l'or à celui qui recevait les dons dans le temple, sans qu'on songeât à remarquer quel était celui qui avait déposé une si grande aumône. Il eût pu s'en servir pour acheter l'agneau que les plus riches présentaient avec les premiers-nés, Lévitique 12, 6, mais il ne le fit pas, Parce que, s'ils eussent publiquement offert les mêmes dons que les riches, cela ne se serait point accordé avec l'extrême simplicité de leur mise. Il n'était pas non plus convenable qu'ils s'écartassent en rien de la pauvreté et de l'humilité, eussent été avec une fin pieuse et honnête, parce que la mère de la sagesse nous a enseigné en toutes choses la perfection, Ecclésiastique 24:24. Aussi bien que son très saint fils, qui voulut naître, vivre et mourir pauvre, Matthieu 8:20. Siméon était, comme dit saint Luc 2:25-26, juste et craignant Dieu, il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit, qui était en lui, lui avait révélé qu'il verrait le Christ du Seigneur avant que de mourir, Ibidem 27. Il vint donc au temple par l'inspiration du même Saint-Esprit, car, outre ce qu'il avait connu, il fut cette nuit-là illustré de nouveau par la divine lumière, et elle lui fit découvrir avec une plus grande clarté tous les mystères de l'incarnation et de la rédemption du genre humain. Et quand la très pure Marie s'était accomplie les prophéties où Isaïe avait annoncé qu'une vierge concevrait, qu'elle enfanterait un fils, que de la tige de Jessé naîtrait une fleur, et que cette fleur serait le Christ, Isaïe 7:14-11-1, il pénétra aussi toutes les autres prophéties. Il eut une très claire lumière de l'union des deux natures en la personne du Verbe, et des mystères de la passion et de la mort du Rédempteur. Par la connaissance de choses si sublimes, il fut élevé au-dessus de lui-même et tout enflammé de désir de voir le Rédempteur du monde. Et comme il savait qu'il venait se présenter au Père éternel, il fut, par la force de cette divine lumière, conduit le lendemain au temple, Luc 2:27, où il arrive à ce que je dirai dans le chapitre qui suit. La même nuit, la Sainte Veuve eut aussi, de son côté, révélation de la plupart de ses mystères, elle en conçut une très grande consolation, parce qu'elle avait été, comme je l'ai dit dans la première partie de cette histoire, la maîtresse de notre auguste reine lorsqu'elle demeurait dans le temple. L'évangéliste dit, Ibidem 37, qu'elle n'en sortait point, servant Dieu jour et nuit, jeûnant et priant, qu'elle était prophétesse, fille de Phanuel, la tribu d'Azer, et, qu'ayant vécu 7 ans en mariage, elle en avait alors 84, elle parla prophétiquement de l'enfant Dieu, comme l'on verra. Instruction que la reine du ciel me donna. Ma fille, une des misères qui cause le malheur ou diminue le bonheur des âmes, c'est de se contenter de faire les œuvres de vertu avec négligence et tiédeur, comme au hasard, ou comme quelque chose de peu important. C'est par suite de cette inadvertance et de cette lâcheté que très peu de personnes jouissent du commerce et gagnent l'amitié intime du Seigneur, qu'on ne peut acquérir que par un fervent amour. Et si on l'appelle fervent, c'est parce que, comme l'eau bout par le moyen du feu, de même cet amour élève l'âme au-dessus d'elle-même, au-dessus de tout ce qui est créé, au-dessus de ses propres œuvres par la douce violence des divines flammes du Saint-Esprit. Car plus elle aime, plus elle s'enflamme, et cet amour produit en elle des sentiments insatiables qui lui font non seulement mépriser et oublier les choses terrestres, mais trouver insuffisant et insipide tout le bien qu'elle peut faire. Et comme le cœur humain, lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il aime avec ardeur, brûle, si c'est possible, d'un plus vif désir de l'acquérir par de nouveaux moyens, de même, quand l'âme est animée d'une fervente charité, elle s'évertue à désirer et à pratiquer toujours de nouvelles choses pour plaire à son bien-aimé, Et tout ce qu'elle fait lui paraît insignifiant de sorte qu'elle cherche à passer de la bonne à la parfaite volonté, et de celle-ci à l'acquiescement au bon plaisir du Seigneur, jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'union la plus intime et la plus complète, et jusqu'à la transformation en Dieu. Cela vous fera comprendre, ma très chère fille, la raison pour laquelle je désirais d'aller pieds nus au temple, en portant mon très saint fils pour l'y présenter, et pour accomplir en même temps la loi de la purification, car je donnais à mes œuvres toute la plénitude de perfection possible par la force de l'amour, qui me demandait toujours ce qui était le plus parfait et le plus agréable au Seigneur, m'aiguillonnait sans cesse, et m'excitait à m'élever dans la pratique de toutes les vertus au plus haut degré de perfection. Tâchez de m'imiter avec tout le zèle que vous voyez en moi, car je vous avertis, ma fille, que c'est ce genre d'amour, que c'est ce mode d'agir que le Très-Haut sollicite, en l'attendant comme caché derrière les treillis dont parle l'épouse. Cantique 2, 9, et à travers lesquels il regarde comment elle fait toutes ses œuvres, et cela de si près, qu'il n'y a qu'un treillis qui l'empêche de jouir de sa vue. Parce qu'il suit pas à pas les âmes qu'il aime et le servent de la sorte, comme en étant vaincu et épris, mais aussi il s'éloigne de celles qui sont tièdes, où il ne les surveille plus que par une providence commune et générale. Aspirez toujours à ce qui est le plus parfait et le plus pur des vertus, approfondissez-les et cherchez-y continuellement de nouveaux moyens et de nouveaux secrets d'accroître votre amour, et faites que toutes vos forces et toutes vos puissances intérieures et extérieures soient incessamment occupées à ce qui est le plus relevé, le plus excellent et le plus agréable au Seigneur. Subordonnez toutefois tous ces sentiments à l'obéissance, communiquez-les à votre Père spirituel, et dirigez-vous d'après son conseil, car c'est là le plus important et le plus sûr. markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.